Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, je voudrais vous parler des pensions de retraite, hein, parce que je crois qu'il y a des mesures qui passent inaperçues, mais qui sont là aussi, de la part du gouvernement, régressives. Le gouvernement a décidé de limiter la revalorisation des pensions de retraite à 0,3% en 2019 et 2020. Quand on sait, par exemple, que le mensuel que choisir, hein, l'Union fédérale des consommateurs a estimé que l'inflation avait était en réalité de 5% depuis 4 ans. Et que, y a une relance, effectivement, de l'inflation. Donc un taux largement inférieur à celui de l'inflation, qu'on nous promet, une mesure injuste et sans précédent, qui a un impact redoutable sur le revenu disponible des retraités. Jamais le pouvoir d'achat des retraités n'a été autant malmené. Pas plus de 0,3% au 1er janvier 2019 pour les retraites de base. Cette décision du gouvernement de revaloriser les retraites à un taux largement inférieur à celui de l'inflation passe très mal auprès des retraités. Difficile à admettre alors que l'exécutif avait déjà reporté la date de revalorisation de 3 mois, d'octobre à janvier. Pour les retraités aussi, et pas seulement pour les impôts, l'année 2018 aura été une année blanche. Rien que cette année, les retraités perdront 1,3 point de pouvoir d'achat. C'est une revalorisation de 1,6 qui aurait dû s'appliquer en janvier dernier. Ce sera une perte de 220 euros par an pour un retraité vivant avec une pension mensuelle de 1350 euros, comme si cela ne suffisait pas après l'augmentation de la CSG. Avec cette désindexation et l'effet cumulé de la CSG pour un couple de retraités qui dispose de revenus juste supérieurs au seuil d'assujettissement au taux de 8,3%, il y aura un impact négatif de 3%, soit 1238 euros de perte annuelle. En 2019, du fait de la sous-indexation des pensions de retraite, l'impact des mesures retenues serait globalement négatif sur le revenu disponible des retraités, relève une étude de l'OFCE. La perte du pouvoir d'achat fera boule de neige. Elle sera plus du double si le niveau de l'inflation reste le même l'an prochain. Certains ménages retraités devraient quand même bénéficier de mesures plus favorables comme l'exonération de la taxe d'habitation. La revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou encore l'exonération de la hausse de la CSG. S'il est vrai que l'effort demandé est plus important pour les ménages les plus aisés, la sous-indexation des pensions n'en reste pas moins une mesure redoutable pour les plus modestes. Les pensions de base sont indexées sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation. Ce n'est pas la première fois que l'on déroge à cette règle. Le gouvernement précédent avait déjà gelé la revalorisation en 2014, sans effet du fait d'une inflation nulle. Par la suite, les pensions ont stagné, mais cette stagnation était due à une absence d'inflation. Aujourd'hui, la sous-indexation, signe de fait d'une dévaluation durable des retraites, ou, dit-on plus simplement, une baisse des retraites, et si le président de la République faisait en décembre dernier amende honorable et annulait la hausse de 1,7 point pour un certain nombre de retraités, pas question de renoncer à la sous-indexation, une mesure particulièrement inique. Il faut voir une volonté farouche de réaliser des économies, 5,2 milliards d'euros en 2 ans, près de 6 milliards escomptés à l'horizon 2022, ce qui se trouve peu de justification, alors que l'équilibre financier du système de retraite n'apparaît guère menacé. Voilà, puis bon, est-ce qu'on ne paye pas quelque part, finalement, le fait de faire des cadeaux aux entreprises, aux riches, etc., il faut bien trouver l'argent quelque part. Et il y a un vase communicant entre alimenter la protection sociale, par exemple, et puis sous-alimenter plutôt la protection sociale, et puis alimenter grassement le CIE et autres ISF. Voilà. Voilà ce qu'il fallait dire. Je vous laisse méditer au cours de cette journée. Que je vous souhaite un meilleur possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.